Page 83. Exercice 4. 1. Je suis allée voir le garagiste. Quelle amabilité! Il ne m'a dit ni bonjour, ni au revoir. Pas un sourire, pas un mot aimable. 2. Cette maîtresse d'école est d'une patience à toute épreuve. 3. Tu le connais? Il change complètement d'attitude selon la personne avec qui il parle. Certains appellent ça de l'adaptabilité. 4. Tu aurais vu les enfants jouer dans la neige. Ils étaient tellement heureux. Ils ont joué comme des fous. 5. En cas de danger, il ne faut absolument pas s'énerver. Au contraire.